Les voiles subtiles de la manipulation. L'ego est-il totalement manipulable par les forces de la lumière? Comment et pourquoi un ego peut-il être manipulable? Les forces de la lumière manipulent totalement l'ego en lien avec la naïveté qu'il peut y avoir dans son mental. Pourquoi est-ce que les forces de la lumière peuvent totalement manipuler un ego pour l'amener à vivre des formes de vie extrêmement difficiles? Parce que dans la manipulation, nécessairement, l'ego ne voit absolument rien et l'esprit est bloqué dans l'ego pour que l'expérience à venir, qui est de changer le taux vibratoire de l'ego, se réalise. La lumière a toujours perçu l'homme comme un vase communicant. Elle lui communique ce qu'elle veut en lien avec ce qu'elle sait qu'elle doit communiquer pour qu'il puisse absorber tel taux vibratoire. L'homme, dans son processus d'intégration avec la lumière, a souvent à vivre de nombreuses réalités avant de constater que ce qu'on lui fait vivre est beaucoup plus grand que ce qu'il ne voit au départ. L'agenda des forces de la lumière dans la manipulation est de révéler à l'homme ses faiblesses. Bien que l'homme n'ait pas de faiblesse en tant que tel, car la lumière sait très bien que ce qu'elle amène pour ajuster l'ego doit être un jour perçu totalement par l'ego, implique donc que l'homme se réinvente. En se réinventant, il se donne à ce moment une qualité de vie plus grande parce qu'il apprend à mieux déterminer ses besoins réels pour ne plus vivre des réalités qui jadis lui étaient voilées, mais que désormais il voit très bien qu'il s'agit de manipulation pour le diriger d'une telle manière dans son mental vers la conception ou l'appréhension qu'il mène sa vie. Lorsque l'ego comprend que les forces de la lumière peuvent agir en toute liberté et en toute conscience sur sa propre conscience, il lui est plus facile d'accepter qu'il sera, dans une certaine mesure, déstabilisé par rapport à sa propre vie pour être amené plus tard à un taux vibratoire supérieur. Cependant, il est difficile pour l'ego de prendre conscience que la lumière sert uniquement à l'ajuster et que la manipulation subie par volonté d'expansion et d'évolution ne lui fait pas toujours plaisir, car ce qu'il connaîtra dans cette manipulation, au bout du compte, c'est la souffrance. Et la souffrance d'avoir été amené dans une expérience contre son gré, malgré que la forme est tellement voilée qu'il est impossible pour l'ego de constater qu'il se fait manipuler, amène toujours un délusionnement. Et cette désillusion de l'ego est nécessaire pour les forces de la lumière, car elle engendre un processus d'inversion des énergies de l'astral en lui, car sa volonté doit l'amener à voir où il est manipulable. Comment l'ego est-il manipulable? Il est manipulable dans ses craintes, il est manipulable aussi dans les valeurs qu'il donne à la vie, il est manipulable aussi dans les positionnements que son ego a en lien avec la certitude qu'il a raison. Et cette certitude vient profondément des réalités de croire que ce qu'il sait ne peut pas être interchangé, alors qu'en réalité, ce que l'on sait et ce que l'on voit de sa vie peut toujours être ajusté en vibration à un point si élevé que cela amènera un jour l'ego à constater par lui-même que la manipulation des forces de la lumière sur l'homme ne cessera jamais tant qu'il sera mortel sur la terre. Est-ce que cela implique que l'immortalité de l'homme lui permettra de contrer toutes les formes de manipulation de la lumière contre son ego, assurément, puisqu'il sera lui-même cette propre lumière et pourra traverser à volonté les différents éthers de vie pour dialoguer et être en parfaite communion avec les mondes de la lumière, soit qu'il pourra s'asseoir à leur table et échanger vibratoirement avec eux sur les réalités inscrites pour donner à la Terre son cours d'évolution. Tant que l'homme n'est pas dans un processus d'évolution totale en lien avec sa lumière, cela veut dire qu'il est toujours dans l'intégration de celle-ci. Et l'intégration de celle-ci l'expose notamment à la réalité que les mondes invisibles peuvent cacher à l'homme de grandes réalités pour qu'il puisse atteindre un taux vibratoire différent dans le futur. Et c'est ce taux vibratoire-là qui est recherché par la lumière afin de concrétiser dans l'homme la matérialisation totale de sa conscience pour qu'il n'y ait aucune faille dans celle-ci. Un besoin réel pour l'ego n'est pas nécessairement un besoin réel pour la lumière. Mais lorsque l'ego en arrive dans sa réalité à contrecarrer ou à contredire ce que la lumière entend faire sur lui parce qu'il sait qu'il ne veut plus vivre une telle expérience, cela devient un besoin réel. Mais il faut que l'ego sache ce qu'il ne veut plus vivre. C'est à ce moment que le besoin devient totalement réel. Lorsque l'ego veut vivre une situation où qu'il pense où il doit avoir accès à une telle réalité pour lui permettre de prendre de l'expansion, cela est toujours sujet à la manipulation. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités qui seront cachées et dissimulées à l'ego pour qu'il ne voit pas totalement l'enjeu de sa conscience en lien avec un avancé qu'il considère pour lui très intelligent et en volonté totalement tranchant pour lui permettre de vivre ce qu'il considère qu'il doit vivre. Malencontreusement, la lumière décide de tout. Si vous avez à perdre votre travail, vous le perdrez. Si vous avez à perdre de l'argent, vous perdrez cet argent. Car c'est dans la perte ou dans le retrait de certaines somme d'argent ou d'une réalité que l'ego est confronté le plus rapidement à ses craintes et à la naïveté qu'il peut donner à une situation le regardant parce que personnellement, il prend cette expérience-là et lui donne du crédit ou une valeur. En se piégeant lui-même, l'ego devient totalement manipulable et c'est pour ça que les forces astrales en lui sont haussées afin de lui montrer jusqu'où il peut aller dans l'astralisation de sa conscience et dans la manipulation de croire que ce qui lui arrive peut être interchangé. À quel moment est-ce que l'ego peut interchanger une forme? Normalement, c'est après avoir vécu le désillusionnement de cette forme ou encore que cette forme a été amenée à un degré ou à un stade d'initiation encore plus loin, pouvant pousser l'ego dans ses derniers retranchements et de s'amener lui-même à dire « Ceci, je ne veux plus le vivre et je ne dois plus le vivre. » Mais que l'ego soit capable dans sa réalité à être tranchant et lorsque la réalité se présente dans le quotidien, c'est deux choses. Comment la parole peut-elle habiter avec le temps, le geste, la volonté, l'état de conscience? Et c'est là que tout le jeu pour faire cesser la manipulation prend énormément de temps. Pourquoi cela prend énormément de temps? Cela amène l'ego à réaliser qu'il y a des formes astro-rythmiques en lui permettant la manipulation. C'est-à-dire que l'ego est formaté dès le départ pour être manipulable. Il peut donc être manipulé par la lumière et il peut être manipulé par les forces de la noirceur. Ou encore par des entités subtiles qui amènent chez lui, dans la pensée astrale, des pulsions ou des énergies l'amenant à se réfléchir. Est-ce que l'ego en est conscient de ces réflexions? Très rarement, et c'est ces réalités-là que la lumière veut amener à l'ego pour qu'il réalise les entrées qui amènent dans sa conscience des formes d'endoctrinement à des valeurs qui sont fictives ou non réelles. Par exemple, une personne peut penser qu'elle doit être en couple avec une autre et qu'elle agira en fonction de ce qu'elle sait d'elle-même pour être en couple avec cette personne. Mais si cette autre personne n'est pas en mesure d'être dans l'identité de savoir qu'elle doit être avec cette autre personne, on ne peut pas imposer à ce moment sa vibration et exiger de l'autre qu'elle prenne une décision. Il s'agit à ce moment d'une forme de manipulation, puisque l'identité de se créer un couple doit venir de chacun, de chacune des personnes, en lien avec la définition de qui ils sont. On ne peut pas imposer à quelqu'un la réalité qu'elle doit être en couple avec nous si elle n'est pas en mesure elle-même de savoir ce qu'elle veut vivre dans un couple et ce qu'elle ne veut plus vivre. C'est à ce moment qu'en sachant ce que la personne ne veut plus vivre, elle se rapproche de l'identité du couple qu'on lui présente. Et à ce moment, il y a moins de chances qu'elle soit manipulée. La manipulation astrale est beaucoup plus abjecte que la manipulation des forces de la lumière sur une conscience, bien que les forces de la lumière utilisent les forces astrales pour manipuler totalement l'ego afin qu'il puisse un jour voir ses craintes. La différence entre la manipulation uniquement astrale est la suivante, que l'ego en arrive jamais à constater ce qu'il vit et à comprendre ce qu'il vit. Dans le cas contraire, la lumière ne veut pas cela, parce que si elle laissait trop les rênes à l'astral, il est évident que l'ego se suiciderait à profusion, car ne pas expliquer à l'homme ce qu'il vit est une manipulation beaucoup plus grande, qui frôle et qui devient avec le temps de la domination. Les forces de la lumière ont toujours été obligées d'expliquer à l'homme ce qu'il vit, malgré le fait qu'ils sont capables de le manipuler dans ce qu'ils disent, afin qu'éventuellement, il réalise que le rapport de force qu'il a avec les forces de la lumière était encore soumis à de la manipulation. À quel moment l'ego cesse donc d'être manipulable en lien avec les forces de la lumière? Lorsqu'il ne les croit plus. Et lorsqu'il ne les croit plus, cela veut dire que par vibration, il peut échanger avec la lumière et établir des réalités le concernant tout en les étudiant par la suite. Il ne prend jamais pour acquis à 100% que qu'est-ce que la lumière va lui dire, c'est cela. Cependant, dans la vibration de savoir qui il est, la lumière va être obligée de lui dire oui, c'est cela. Par exemple, si vous dites à la lumière, est-ce que la manipulation est en lien avec la naïveté de l'homme? Ils vont dire oui, c'est cela. Est-ce que la manipulation détermine la naïveté de l'homme? Ils vont dire non, car la manipulation sert à mettre en éveil l'ego de la naïveté qu'il y a en lui. En ce sens, pour qu'un ego puisse casser totalement la manipulation que la lumière veut lui faire subir, il ne doit plus être naïf. Et ne plus être naïf veut dire pour la lumière ceci. Il est très au parfum que nous pouvons tout faire en lien avec sa vie, et que si nous décidons qu'il doit perdre de l'argent ou encore qu'un accident doit se produire pour que son taux vibratoire soit orienté vers une autre sphère d'évolution, cela se réalisera malgré ce qu'il en pense, malgré ce que l'homme en dit, bien qu'il y aura de sa part une contestation. Est-ce que les forces de la lumière veulent la contestation? Ils la veulent et ils la souhaitent parce qu'elle élève l'ego à un taux vibratoire plus grand, lui permettant de saisir que c'est à lui de faire cesser dans sa conscience la naïveté. Et plus l'ego monte en vibration, plus il devient tranchant dans sa volonté et plus sa volonté à faire cesser des réalités, le faisant souffrir ou l'amenant à vivre des déconfitures monétaires ou autres, l'ego est à ce temps capable, dans la déconfiture, en mesure de réaliser sa part de naïveté. Tant que l'ego ne réalise pas la mesure ou sa part de naïveté en lien avec son expérience, il est assuré qu'une autre expérience aura à se produire. Ce n'est pas parce qu'on fait faillite une fois qu'on ne fera pas faillite deux fois. Mais la faillite, la première fois, n'est probablement pas perçue comme elle le sera dans la seconde. Et c'est là l'enjeu que la lumière veut amener sur une conscience, soit qu'il n'y a jamais un événement qui est pareil, même s'ils sont semblables. Car chaque événement amène un taux vibratoire différent selon ce que la conscience ou ce qu'une personne peut avoir dans son mental lorsqu'elle vit l'expérience. Pour inverser avec le temps les énergies de la manipulation contre sa conscience, il est assuré que le sceau de protection de la conscience de l'homme à l'égard des mondes invisibles est totalement scellé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ouverture dans son mental pour être manipulable. Est-ce que l'ego voit totalement les aspects naïfs de sa conscience? Pas toujours, car il peut y avoir dans un ego un certain orgueil l'empêchant de réaliser qu'il est naïf, et cet orgueil devient donc une certitude au lieu d'être tout simplement un vase communicant permettant à la lumière de déconstruire dans l'ego sa réalité, de croire qu'il pourra toujours avoir le dernier mot avec elle. Ce n'est pas que la lumière veut toujours avoir le dernier mot, mais c'est à l'homme de comprendre qu'elle voudra toujours avoir le dernier mot. Ce faisant, que reste-t-il à l'homme pour contester cette réalité? Il lui reste sa parole. C'est-à-dire que l'homme doit amener la lumière à lui révéler que ce qu'il est en tant que conscience ne peut pas être habitable par la lumière. Et c'est dans la contestation que l'homme en arrive à parler dans un verbe si vibratoire qu'il s'amène lui-même sur les sentiers d'obliger la lumière à lui dire que ce qu'il dit, c'est cela. Si cela ne fonctionnait pas de cette manière, l'ego serait totalement soumis dans sa parole à toute inversion possible de la lumière sur sa conscience, c'est-à-dire que l'homme ne pourrait jamais être lui-même son propre soleil. Il serait toujours une extension du verbe de la lumière. Et cela ne peut pas se produire. Mais pour que cela soit inversé, c'est-à-dire que le rapport de l'homme avec la lumière s'inverse totalement, il est assuré qu'il doit être pour la lumière manipulable afin qu'on puisse lui dire que ce que nous voyons, c'est cela. Et la lumière maintiendra pendant des millénaires cette réalité-là, que ce que nous voyons, c'est cela, jusqu'à ce que l'homme soit immortel. Et nous savons tous que l'homme n'arrive pas à être immortel dans simplement quelques incarnations dans la matière. Cela se produit au fil de plusieurs et maintes incarnations, et cela n'est pas encore réalisable jusqu'à ce que l'homme soit totalement en mesure d'avoir accès aux lois de la matière et de l'énergie. Donc, est-ce que la lumière contrôle ces lois d'énergie-là? Totalement. Elle sait très bien que dans la pensée cosmique, il y a des révélations qui sont faites à l'homme pour qu'il puisse faire évoluer sa propre vie. Mais de là à faire évoluer la matière en lien avec ce que l'homme a comme ego dans la matière en ce moment, c'est une loi qu'elle ne peut pas permettre à l'homme. Car dans la conscience de l'homme, il y a en ce moment encore beaucoup trop d'orgueil et de naïveté à l'égard des plans invisibles pour comprendre ce que la lumière veut faire avec l'environnement et l'habitacle de la Terre. Donc, si l'homme est manipulable, cela est pour plusieurs raisons. Il faut d'abord qu'il puisse voir sa vie telle qu'elle est, pour ensuite comprendre la naïveté qu'il y a dans cette vie et l'absence de volonté à faire cesser cette naïveté-là qui permet la manipulation. Lorsque l'astral manipule une conscience, il est bien entendu clair que l'ego ne verra pas cette manipulation-là jusqu'à ce que la souffrance soit totale. Mais lorsqu'il y a le jeu de la lumière dans la manipulation, est-ce que l'ego le saura qu'il est manipulé même s'il vit une forme? Oui, il le saura qu'il y a une certaine manipulation et il peut avoir comme voyance la résultante de ce qui se produira. Mais cela ne l'empêche pas de continuer de faire ce qu'il fait parce que le cycle doit être amené à sa fin. C'est donc dire que si vous investissez de l'argent dans la bourse et que vous surveillez une compagnie et que vous avez mis une somme d'argent importante dans une compagnie, il est probable que vous ne soyez pas capable de vendre ces titres jusqu'à ce que vous ayez totalement vécu l'expérience de la perte, car cela sera décidé sur les plans que cette perte sera ce qui changera éventuellement pour la lumière le plus votre taux vibratoire. Certes, dans le processus de la perte, l'ego peut tenter de justifier qu'il aurait dû vendre ses actions, mais encore là, la lumière peut avoir une si forte présence sur l'ego dans l'homme qu'il ne pourra pas agir et vendre ses actions. Il sera obligé de vivre la perte et de constater les dégâts, parce que à ce moment, il y aura une réalité qui s'investira dans lui pour qu'il la comprenne totalement. C'est donc dire, est-ce que les forces de la lumière utilisent tout ce qu'il se doit ou utiliseront tout ce qu'il se doit pour amener l'homme à réaliser à quel point il est manipulable? Certainement. Et plus l'homme est manipulable, cela veut dire que plus il est naïf dans sa conscience et qu'il ne voit pas l'enjeu. Et plus un ego est manipulable, plus il ne voit pas ce qui se produit chez lui. bien que l'ego puisse converser avec la lumière, il n'est pas garanti qu'on lui donnera des réponses intégrales à ce qu'il vit. Certes, la lumière amènera des réponses permettant à l'ego de pouvoir supporter le taux vibratoire de ce qu'il sait en lien avec sa vie personnelle. Mais elle ne peut pas non plus l'amener trop loin, car l'ego ne sera pas capable d'absorber cette lumière et être totalement intelligent avec elle dans le futur. Et c'est pour cela que la manipulation sert les forces de la lumière pour l'amener aux portes de ses craintes. Et la plus grande crainte de l'homme n'est pas nécessairement toujours avec l'argent. Elle peut très bien être avec la famille, elle peut très bien être aussi dans le couple ou à tout autre niveau pour parfaire dans l'ego son statut cosmique avec la lumière. Il y a des personnes qui ont des vies agréables sur la Terre, mais du moment qu'ils sont mis en contact avec l'initiation solaire, c'est-à-dire qu'ils auront à abattre l'ensemble des craintes de leur ego, il est assuré qu'ils commenceront à vivre des désillusions. Et le but de la lumière n'est pas de mettre en échec l'ego sur la réalité qu'il peut converser avec eux, mais bien sur la réalité que s'il se raconte des mensonges, il doit un jour les voir. Et c'est dans cette construction-là de l'identité de l'ego que la lumière travaille pour abattre en lui ses craintes. Par exemple, si vous dites qu'une telle réalité ne devrait pas être, il est assuré que la lumière vous dira le contraire et elle vous montrera le contraire, soit qu'elle puisse vous dire et elle vous dira totalement pourquoi vous vivez cela. Mais si vous posez la question à la lumière et qu'elle ne vous répond pas en lien avec une réalité, pour la lumière, cela veut dire que vous n'êtes pas en mesure vibratoirement d'arracher cette réponse. Et que veut dire pour la lumière pouvoir arracher une réponse? Cela veut dire que vous ne pouvez plus vivre ce que vous vivez et qu'on doit vous informer d'une réalité plus grande vous permettant à être plus libre dans votre vie personnelle. Est-ce que cela s'appelle un besoin réel? Nécessairement, cela s'appelle un besoin réel, soit d'être capable de dire à la lumière ce que vous êtes et de l'obliger à reconnaître ce que vous êtes. C'est dans ce stade de conversion de votre énergie que le feu de votre parole monte en volonté et que l'intelligence qui vous habite peut être communiquée. À ce temps, y a-t-il une manipulation qui se produit? Absolument pas. Parce que l'homme, s'il était manipulé quand il crache son feu, disons, ne pourrait plus par la suite vivre sa propre vie parce qu'il serait imposé ou on lui imposerait une dictée quelconque. Et dans le verbe de l'homme et dans la parole d'inversion des énergies de l'ego pour qu'il se réinvente, il y a ceci de très grand. Soit que la constitution atomique d'une parole ne se questionne pas pour la lumière. Elle se reconnaît. Et lorsque cette lumière est reconnue dans la vibration de la parole de l'ego, c'est à ce moment que les obstacles ou les dissimulations en lien avec une telle réalité, ne peuvent plus être. Et ne pouvant plus être, la lumière s'oblige ou se voit forcée de parler à l'homme dans un langage qui ne l'infantilise pas, mais qui lui permet finalement d'avoir le taux vibratoire que la lumière recherchait au départ en provoquant dans l'homme la naïveté qu'il avait dans son ego pour qu'il puisse monter en vibration. Pour la lumière, l'homme n'est qu'une affaire de vibration, soit que l'homme doit monter en vibration et qu'il doit contester, s'il en est en mesure, ses craintes. Mais pour contester ses craintes, il doit aussi être en mesure de contester ce qu'il vit en tant qu'ego dans la matière pour s'amener lui-même à reconnaître comment peut-il être intelligent dans sa vie personnelle pour ne pas être manipulé ou être affecté par ce qu'il vit. Cette dimension impersonnelle de l'ego prend du temps à acquérir parce que l'ego n'est pas formaté au départ pour comprendre qu'une vie planétaire ou que la vie sur la Terre est faite de mémoires à être détruites afin que l'homme crée de nouvelles mémoires pour que celles-ci deviennent des valeurs évolutives. Par exemple, Jadis, on disait que l'homme devait prier lorsqu'il était en difficulté, qu'il devait prier le Seigneur afin qu'on lui aide, alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas naïf, on va lui dire « Assieds-toi à la table de tes craintes et regarde pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de faire cesser une telle réalité dans ta vie. » Donc, si vous avez un comportement X en lien avec l'argent, cela veut dire que vous avez de la crainte. Si vous avez un comportement X dans un couple qui vous amène toujours à de la souffrance, cela veut aussi dire que vous avez de la crainte. Et la crainte peut être de constater ou de ne pas vouloir constater que votre couple est fini et que cela veut dire que vous devez peut-être vivre seul pour les 5-10 prochaines années. Mais en ayant cette crainte, vous n'acceptez pas que votre couple est fini. Et c'est pour cela que bien souvent, le couple s'éternise. Pour la lumière, il n'y a qu'une réalité, celle de faire évoluer l'homme. Pour l'homme, il n'y a qu'une réalité sur la terre, celle de ne pas souffrir, et aussi de connaître la paix dans son mental pour ne plus être manipulable. La lumière, par contre, étant donné qu'elle est sous un principe d'évolution pour elle-même, doit s'assurer que l'ego en vient à épurer totalement ce qui le fait souffrir d'une manière intelligente. Et pour que cette manière-là ou cette vibration intelligente descende dans lui, il doit avoir accès à une dimension éthérique de la lumière dans sa propre conscience pour que son ego ne devienne pas un socle ou un reflet de l'intelligence, c'est-à-dire une mémoire liée à de l'orgueil. Car bien souvent, si vous traitez avec la lumière et vous leur demandez simplement « Est-ce qu'il y a de l'orgueil dans mon mental? » la lumière vous répondra ceci. Un homme qui est orgueilleux ne le verra pas par lui-même. Nous serons obligés de lui montrer qu'il est orgueilleux. Est-ce qu'une personne qui vous demande si elle est orgueilleuse, par contre, peut avoir de l'orgueil dans son mental? Cela est possible aussi, car l'ego peut se donner une satisfaction quelconque pour s'inviter à la table de la lumière en pensant qu'il n'est pas orgueilleux. Mais si la lumière décide de dire à l'homme qu'il est orgueilleux dans son mental, cela voudra dire qu'il aura à inverser lui-même cette énergie et leur dire « Non, je ne suis pas orgueilleux. J'étudie avec vous autres une réalité. Est-ce que j'ai de l'orgueil dans mon mental? » La réponse doit être oui ou non. Et cette vibration-là va venir si vous devez la vivre. Lorsque la lumière répond qu'il y a de l'orgueil dans le mental, qu'est-ce que ça veut dire pour l'homme? Ça veut dire qu'il y a de la naïveté. C'est-à-dire qu'il peut penser être rendu à tel point vibratoire de son expérience alors qu'il est en dessous de cette expérience vibratoire ou de cette réalité vibratoire lui permettant de connaître la grandeur de sa dimension. Est-il possible pour la lumière de toujours tester l'ego pour qu'il en arrive un jour à reconnaître qu'il n'y a plus dans son mental d'orgueil? L'orgueil est une dimension voilée permettant à l'ego de se réfléchir. Et tant que l'ego peut se réfléchir, il y aura des tests pour lui montrer qu'il peut se réfléchir. Et si l'ego n'est pas capable de se réinventer ou d'inverser cette réflexion en lui qui permet à de l'astral de le pénétrer ou encore à ses craintes d'être voilé davantage, il est bien entendu que la lumière le testera toujours, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie. Car le toujours est de permettre à l'ego de réaliser qu'il n'y a pas de porte de sortie facile à l'évolution. Notamment que la manipulation ou les voiles de la manipulation servent la lumière pour assurer dans l'habitacle de la conscience de l'homme que le socle de sa parole ne soit jamais poreux. La porosité venant du fait qu'il y a des infiltrations des hauts plans de la mort qui peuvent se produire et l'homme peut devenir très spirituel dans sa conscience sans même le savoir. Est-ce que la spiritualité fait partie de la manipulation de l'homme? La spiritualité est une manipulation totale de l'ego dans l'homme à de la naïveté, lui permettant de croire que les forces invisibles sont là pour le servir. Alors qu'en fait, les forces de la lumière sont là tout simplement pour faire évoluer l'homme. Et ils le feront évoluer en lien avec ce que la lumière peut décider pour l'homme, selon l'ego, selon la construction de cet ego, à se réinventer dans une vitesse de propulsion plus grande que la simple réflexion. Un ego qui n'arrête pas de se réfléchir sera toujours personnel dans sa vibration. Et pour que la lumière puisse élever une vibration, il faut que l'ego en vienne à être totalement impersonnel par rapport à sa propre vie. C'est donc dire que si vous perdez de l'argent à la bourse, que vous soyez en mesure de reconnaître que cet argent n'est pas votre argent, que cet argent que vous avez perdu n'est pas de l'argent que vous avez perdu. C'est simplement un retrait vous permettant d'être dans une situation où, à votre ego, de prendre conscience qu'il donne des valeurs à certaines réalités ou qu'il est naïf en lien avec une réalité, pensant que peut-être qu'il peut faire de l'argent cet ego alors que tout vient d'en haut. Cela dit, la lumière a toujours su quel montant ou quelle somme d'argent une personne possède dans son compte de banque. L'argent est un moyen pour la lumière d'exercer sur l'ego énormément de pression pour qu'il s'étudie. Et que l'homme ou que la femme en arrive à considérer que l'argent est important dans sa propre vie pour se donner de la liberté ne va pas à l'encontre de la réalité que la lumière utilise cet argent-là en lien avec les illusions de la liberté que l'ego peut se donner pour les déconstruire. Et lorsque l'ego n'en arrive pas à être dans sa conscience totalement froid par rapport à l'argent, il va donner des valeurs à des acquis matériels qui sont en quelque sorte des réflexions de ce qu'il pense pouvoir créer dans la matière en tant qu'ego comme liberté. L'homme a beaucoup de craintes et les craintes qu'il possède en lien avec l'argent auront à être détruites progressivement. Selon l'initiation de certaines personnes, la manipulation au niveau de l'argent sera très grande. Mais cela ne veut pas dire que l'homme n'a pas à avoir d'argent. L'homme possède exactement l'argent qu'il a besoin pour se créer une identité prépersonnelle, l'amenant à être en mesure de dialoguer d'un rapport sans contrainte avec l'invisible. Ainsi donc, une perte d'argent ne doit pas amener un affaissement de la conscience de l'homme, mais doit plutôt amener un apex de définition et d'identité dans l'homme pour savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi cela se passe-t-il, afin de questionner l'enjeu qui a mené la lumière à décider telle somme d'argent dans son compte de banque. Il est entendu que les forces de la lumière vont manipuler l'homme jusqu'à la réalité suivante, soit que du moment que l'ego pourra comprendre et saisir parfaitement que tout ce qu'il vit doit être élevé en vibration, même si cela ne lui fait pas plaisir, est-ce qu'il lui permettra, dans le temps, d'actualiser sur les plans son identité prépersonnelle? Cette identité prépersonnelle étant d'établir comment il veut qu'on lui parle dans sa conscience, parce que tant qu'il ne peut pas inverser le discours de la manipulation sur sa conscience, il demeure manipulable. Jusqu'à quel point la lumière veut que l'homme inverse son discours en lien avec sa vie personnelle pour qu'il puisse saisir que la vibration de sa vie personnelle est en fait qu'une réalité fictive? Nécessairement, l'homme vit sur deux plans, sur le plan éthérique et dans la matière. Est-ce que l'un doit avoir une priorité sur l'autre? Pas nécessairement, mais il est assuré que le plan éthérique, c'est-à-dire l'aspect invisible de la conscience de l'homme, doit être toujours plus grand que son aspect matériel. Car c'est dans son aspect éthérique et psychique que l'homme va éclairer sa matière et s'empêcher de se donner des besoins qui ne sont pas réels. Les besoins réels de l'homme sont nécessairement de ne pas être manipulables et qu'il soit en mesure de vivre la paix dans son mental. Donc, cela veut dire, si vous vivez une expérience et que vous êtes capable de dire par la suite que l'expérience, même si elle vous a ébranlé ou elle vous a percuté dans votre mental, que vous allez bien pareil, malgré que tout va mal, vous êtes intact dans votre conscience. La lumière recherche cette dimension cosmique dans l'homme, car elle sait que c'est ce taux vibratoire-là qui l'empêchera de se réfléchir. En étant dans ce taux vibratoire, de savoir que même si l'événement s'est produit et que lui reste intact dans son mental parce qu'il est froid, il peut observer et étudier d'une façon beaucoup plus objective ce qu'il a vécu, cet ego, car il se situe désormais au-dessus de la forme et n'est plus influencé par quelconque valeur non réelle pour déterminer ce qu'il a vécu. L'étude est parfaite à ce moment et l'ego se désengage de ce qu'il a vécu plus facilement et son taux vibratoire s'élève alors à la réalité des enjeux qui l'ont mené à être naïf pour vivre ce qu'il a vécu. Incontestablement, l'homme doit devenir un jour l'observateur de ses propres réalités en étant lui-même celui qui conduit son propre véhicule, que ce véhicule soit sa conscience, son identité, doit lui permettre d'être en mesure d'observer froidement sa vie et de neutraliser en elle les portes astrales ou la manipulation qui sera utilisée par les forces de la lumière pour le faire évoluer. Est-ce que l'homme en vient à avoir totalement la paix dans son mental un jour? Certainement. Toutefois, s'il y a des réalités qu'il ne voit pas, il sera obligé de les vivre. Et l'homme ou la femme ont beau dire qu'ils n'ont pas à vivre ces réalités, cela n'est pas réel, car la lumière sait très bien ce qu'un ego doit vivre et pour combien d'années il doit encore le vivre avant que s'épure totalement son mental en lien avec des mémoires et des constructions de la pensée en lui qui lui permet de penser qu'il a dépassé une réalité alors que ce n'est pas le cas. Ainsi donc, la lumière connaît totalement ce qu'est l'homme dans sa conscience, dans son astralité et dans sa vie matérielle. Elle peut à tout moment inverser une de ses réalités pour l'amener à s'élever vibratoirement. Matériellement, l'accident sera toujours possible. La conscience de l'ego à devenir son propre soleil est connue par la lumière et cela sera toujours le point central de la lumière, soit d'amener l'ego à être dans une conscience parfaite pour qu'il ne se réfléchisse plus. Indivisiblement, l'homme doit être dans la matière un être de lumière. Mais lorsque la transparence n'est pas réalisée dans l'ego, c'est-à-dire que l'ego est naïf en lien avec certaines réalités ou qu'il y a de l'orgueil, c'est cela qui empêche l'inversion de l'énergie de l'ego pour lui permettre de revenir dans un verbe absolu à questionner la lumière d'une fois l'heure telle qu'elle doit lui dire « c'est cela ». Tant que la lumière ne répond pas à l'ego ou à l'homme « c'est cela », cela veut dire que l'ego reste manipulable dans toute forme d'autorité ou de questionnement qu'il peut avoir par rapport à la vie. Y a-t-il réellement deux positions ou deux côtés à une médaille? Pour la lumière, il n'y en a qu'un côté. Et ce côté est toujours celui-ci. L'évolution de l'homme ne cessera jamais parce que l'homme le demande. L'évolution de l'homme, avec la conscience de la fusion de sa propre immortalité, est toujours pour la lumière le point culminant d'une expérience d'âme dans la matière. C'est-à-dire que l'âme doit devenir esprit et tant que l'âme n'est pas esprit, elle sera manipulable, cette âme, pour qu'elle devienne de l'esprit. Pour que l'ego puisse s'élever en vibration et devienne son propre double cosmique dans la matière, cela exige de sa part l'étude de ses craintes, l'étude de la naïveté qu'il y a à l'égard de l'invisible ou à l'égard de sa propre vie matérielle, pour lui permettre à cet ego d'être dans des besoins réels qui l'amèneront assurément à interdire toute inversion de son énergie lorsque celui-ci établit que ce qu'il ne veut plus vivre, c'est cela, et la lumière ne peut pas lui dire que ce n'est pas cela qu'il ne veut plus vivre, Parce que la lumière sait très bien que lorsque l'homme vit des réalités très difficiles, la souffrance que cet égo-là vit à un moment donné doit lui être expliquée. Parce que si elle ne lui est pas expliquée, l'ego ne peut pas se sortir lui-même de cette souffrance, parce que vibratoirement, lorsqu'un ego souffre, son taux vibratoire est plus bas et il est exposé davantage au monde de la noirceur. Pour que la lumière ne perde pas l'homme, elle est obligée de l'amener vibratoirement à s'auto-questionner cet ego pour qu'il se retourne vers son double et exige des réponses. Ce sont ces réponses qui permettent à l'ego de grandir. Ce ne sont pas la compassion des hommes envers l'homme qui permettent à l'homme de grandir, mais bien les réponses de la lumière en lien avec l'homme qui lui permettront de comprendre totalement son expérience à tous les niveaux, mental, physique, vital et éthérique. L'aspect éthérique étant toujours le plus important pour la lumière, alors que l'aspect vital deviendra un jour ce qui permettra à l'homme de dire qu'il ne veut plus vivre ceci, car il n'en a plus les forces pour vivre ceci. Ainsi donc, une expérience de vie doit cesser parce que l'ego monte vibratoirement pour, dans un langage très clair, être éthériquement en mesure de dialoguer d'égal à égal avec la lumière et de forcer la lumière à lui dire « c'est cela ». Lorsque l'homme est en mesure d'établir qu'il ne veut plus vivre une réalité, cette vibration-là descend dans tous ses corps, parce qu'elle exige une énergie autre et une dimension cosmique qui doit ouvrir de nouveaux corridors pour que la conscience de l'ego s'actualise selon sa volonté. L'homme ne peut pas être à la merci de la volonté de la lumière éternellement. Il doit être son propre feu, son propre soleil, sa propre volonté pour embrasser la réalité vibratoire qu'il est un être unique et prépersonnel. Sans cette capacité d'être unique et prépersonnel, l'homme ne pourra jamais prendre d'expansion face à sa propre vie. Est-ce que la lumière veut avoir un discours clair avec l'homme? La lumière veut avoir un discours puissant et vibratoire avec l'homme. Donc, pour s'amener à ce discours puissant et vibratoire avec l'homme, l'homme doit être capable de composer avec sa propre lumière, c'est-à-dire son propre verbe, et être froid lui-même. À ce moment-là, le langage est clair pour les deux. C'est ce qui fait dire à la lumière, c'est cela, c'est cela. Quand l'homme dit, vous savez très bien ce dont de quoi je parle, la lumière va dire, c'est cela. Nous savons très bien ce dont vous parlez. Et voici donc ce qui amène le discours. Est-ce que la manipulation de la lumière sur une conscience sert la lumière et sert aussi l'homme en même temps? La manipulation sert la lumière parce qu'elle invite l'homme à reconnaître que de la lumière, ça ne se réfléchit pas. Et pour s'amener à constater que la lumière, ça ne se réfléchit pas, l'homme ou l'ego doit vivre de nombreuses formes de manipulation pour savoir que de la lumière, c'est totalement intelligent. Il n'y a que la lumière qui peut manipuler l'homme et amener l'homme éventuellement à reconnaître que cela a été intelligent, parce que ce taux vibratoire d'accepter que de la lumière, ça ne domine pas, doit être vécu dans l'exercice de la manipulation, soit que l'ego doit se déposséder de toutes les formes de mémoire ou d'illusions pouvant lui faire croire que la lumière peut le servir. La lumière ne peut pas le servir et c'est pour cela que la lumière utilise la manipulation pour converser dans l'homme des énergies qui l'amèneront toujours aux portes de ses craintes et qui accéléreront le processus de rébellion dans son ego pour qu'il exige de la lumière des réponses claires. Est-ce que la lumière aime l'homme? La lumière ne déteste pas l'homme. Est-ce que la lumière aime l'homme? D'une certaine manière, oui. Pourquoi est-ce que vous dites que la lumière peut aimer l'homme? Parce que nous sommes en mesure d'extrapoler sur sa conscience et d'inviter sa conscience à toujours reconnaître que ce qu'il est, lui, dans la matière, nous le sommes aussi sur les plans. Cela veut dire qu'il n'y a pas une réalité qui se crée dans la matière sans que nous ne l'ayons pas pressentie au préalable sur les plans. Ce que nous voyons de l'homme est ce que nous avons toujours vu de lui, mais cela n'empêche pas ceci, que l'homme peut inverser l'énergie de la lumière sur sa conscience en étant capable lui-même d'amener son verbe à un plus gros taux vibratoire qui lui permet aussi d'être avec la lumière dans le même apex d'énergie, soit que tout ce qui est dit en haut est tout ce que l'homme va arriver aussi à dire en bas. Mais tout ce qui est dit en haut n'est pas nécessairement une assurance d'évolution pour l'homme, parce que l'homme doit aussi dire à la lumière quel sera pour la Terre le courant le plus rapide de son évolution. Et à ce moment, la lumière ne peut pas contester cette réalité-là. Lorsque l'homme est en mesure de dire à la lumière que l'ego doit avoir de la voyance en lien avec sa vie personnelle, lorsqu'il est rendu à un stade de compréhension parfaite des énergies de sa naïveté, cela veut dire que la lumière aura, dans la manipulation, à lui faire pressentir davantage qu'il y a une pièce de théâtre qui se joue et qui l'amènera à vivre telle réalité. Cette voyance n'est pas une réalité permettant à l'ego de se réfléchir, mais est une voyance permettant à l'ego de capter les préformes d'une réalité pour qu'il n'en subisse pas les contraintes totalement destructives, pouvant amener son ego à inverser de la réalité la naïveté qu'il y a dans son mental. Car il est très difficile pour l'homme de vivre des expériences initiatiques. Et ces expériences initiatiques doivent être munies d'une quelconque façon, d'un taux vibratoire laissant présager à l'homme une voyance quelconque d'une réalité. Certes, lorsque la lumière veut totalement voiler l'homme face à une réalité, ceci se fera. Ceci se fera, mais lorsque l'homme réalise à quel point la lumière travaille avec l'homme, il a été capable lui aussi de pressentir qu'une telle réalité allait amener tel résultat avant même que le résultat se produise. Et ce pressentiment ne vient pas nécessairement de son ego, mais vient de la conscience de ce qu'il est sur les plans et de la manière qu'il aura à vivre dans sa conscience ce qu'il a à vivre. L'homme ne pourrait pas vivre sans avoir une certaine voyance sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la direction des forces de la lumière est celle de prendre de l'expansion. Et pour que l'homme puisse prendre aussi de l'expansion, il doit être en mesure, cet ego, d'établir par lui-même la courbe de son évolution. C'est-à-dire que si vous percevez que vous devez simplement vous trouver un emploi dans 6 mois, vous devez avoir la perception vibratoire que c'est dans 6 mois que vous trouverez un travail, et à ce temps, vous pouvez simplement vous reposer entre-temps. Et si vous questionnez la lumière pour leur dire « je vais me trouver un travail » ou vous affirmez « je vais me trouver un travail dans 6 mois », la lumière dira « ce sera dans 6 mois ». Elle ne vous répondra pas « non, vous êtes dans l'erreur ». Elle doit vous dire « c'est dans 6 mois ». Incidemment, est-ce que l'homme fait cesser la manipulation parce qu'il a un plus grand discours avec l'invisible, ou avec son double, ou avec les forces de la lumière? La réponse est oui. Pourquoi est-ce que la réponse est oui? Parce qu'il donne moins de valeur à sa vie personnelle et il est plus apte à ce moment d'être dans l'étude de ce que la lumière fait à travers ses corps pour l'amener, lui, à être exempt de naïveté. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle ne veut pas est dans la naïveté. Pour la lumière, il est très facile pour un ego de se réfléchir et de penser que ce qu'il a besoin est exactement cela. Toutefois, lorsque l'ego est en mesure de réaliser que ce qu'il ne veut pas est exactement cela, il est davantage en mesure à ce temps d'inverser lui-même les énergies qui l'amènent à se réfléchir et ainsi à vivre des expériences qui l'amèneront à donner une valeur évolutive à une réalité. Enfin, les voiles subtiles de la manipulation reposent sur 3 réalités. Soit qu'elles doivent cacher à l'homme ses failles, sa naïveté, pour objectiver en lui sa capacité en tant qu'ego à détruire tout orgueil et tout mensonge qu'il peut y avoir dans sa conscience, l'amenant à se réfléchir. Pour dématérialiser la réflexion dans un mental, l'ego doit être en mesure d'élever sa propre vibration. Et pour élever sa propre vibration, l'homme doit pouvoir être un être à deux dimensions sur la Terre, soit éthérique et matériel. Cosmiquement, l'homme ne peut pas vivre une vie intelligente sur la Terre s'il y a trop de crainte dans son mental. Et c'est pour cela que la manipulation et les voiles subtiles de celle-ci forcera l'ego à une désillusion parfaite de tout ce qu'il pense que la vie doit être. Y a-t-il un moment où l'homme n'est pas manipulable? Il n'est pas manipulable lorsqu'il parle avec la lumière. Parce que si nous parlons avec la lumière et que l'homme se ferait dire que de l'intelligence, ça se réfléchit, il le saurait automatiquement que de l'intelligence, ça ne se réfléchit pas. C'est ainsi qu'il est vibratoirement dans un rayon parfait avec la lumière et qu'il peut établir pour l'homme et la femme sur la Terre des dimensions évolutives accélérées qui profiteront à l'homme et à la femme pour leur donner des mesures, leur procurer des sentiers plus justes afin qu'ils s'harmonisent plus rapidement de la vie des plans qui les pénètrent tous les jours dans la matière sans parfois qu'ils ne le sachent. Lorsque l'homme ne fait qu'un avec la lumière, il est non manipulable. Mais cela n'est pas possible en permanence, car s'il était simplement un avec la lumière en permanence, il serait immortel. Et comme l'homme n'est pas immortel, il continuera à avoir des expériences de vie qui l'amèneront à se dépersonnaliser en tant qu'ego pour être en mesure d'inverser totalement les énergies de la manipulation, le menant à vivre de la souffrance. L'arrêt de la souffrance de l'ego cesse avec la manipulation. Parce que l'ego est en mesure d'être dans une étude objective, il peut comprendre qu'une expérience vécue a un but ultime et que c'est à lui de savoir quel est ce but ultime et toutes ses étapes pour que la manipulation ou les voiles subtiles de celle-ci ne se reproduisent plus. C'est ainsi que l'ego s'amène à ne plus vouloir vivre des formes de vie parce qu'il sait très bien que ces formes de vie ont été utilisées pour changer son taux vibratoire et il ne veut plus retourner dans ces formes de vie car il sait que ce que son ego a besoin, ce ne sont pas les formes, mais bien le statut vibratoire de savoir que ces formes sont de la manipulation. À ce temps, le jeu subtil s'arrête. Et l'homme peut parler avec la lumière et leur dire « c'est cela » et la lumière répondra à l'homme « oui, c'est cela ». Est-ce que l'orgueil dans l'homme bloque son énergie? La lumière répond ceci, assurément, parce que tout ce qui est réfléchi n'est pas universel. Et comme les forces d'évolution doivent répondre à des énergies totalement universelles, ça veut dire qu'une énergie qui ne se polarise pas dans une forme pour créer une autre forme, il en va de soi que l'expansion de toute forme doit être universelle, c'est-à-dire qu'elle doit exploser en vibration, tout comme l'ego dans l'homme doit exploser en vibration pour ne plus jamais être personnel dans la matière et croire que ce qu'il vit n'a pas à être cela. Quand l'homme sait que ce qu'il vit dans la matière est totalement lié à un plan universel, il cesse de se réfléchir et exige des réponses pour savoir ce qui vient de se produire et qu'on lui explique totalement la réalité de ce qu'il a vécu. Sinon, si l'homme ne peut pas faire cela, il reste un être dans la matière manipulable.